détend. Puis sur un play et décolle aussitôt. Bouge la tête comme tu le point sur un oscillon. De bas en haut, de haut en bas. Et tu t'emballes les couilles tant que le son est là, tu t'emballes, yo. La leçon est là, tu m'en marres. Comment veux-tu pouvoir prêter la thune sans mal? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Tu me sens pas mytho. Je prends de coca, c'est genre prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Clique un amigo, tu pensais me dominer. Va ton jeu au domino, avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un mino, chichi et moi combiné. Comme Bernino, elle je bouffe un gros au dîner. J'ai pas terminé, je s'ouvre le robinet. Je check le micro, je suis là, je peux te piner. Bande dessinée, je pèse les mots, comme 13 il faut. Donc prépare-toi à halluciner. Tu testes mes bras, mec c'est faux. Je te pète les os, et même les pros en perdent les mots. Tu fais ce dégo, non c'est du ciné. Tu check le micro et la ferme avec ta dulciné. Tu testes mes bras, mec c'est faux. Je te perce les os. Prends le numéro perso du kiné, parce que je vais t'exterminer. Faire du mal te ruiner. C'est de l'amour que je parsème. Ma vie n'est pas tout trop. beau, du beau, des pastels. Du coup, mon rap, c'est du blues. Un peu comme cul, ça y est, la scène. Thank you.